Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared. Cinquième épisode, dans les entrailles de la machine judiciaire. Réalisation, Pascal II. Au début des années 90, l'Américain David Simon, alors journaliste au quotidien Baltimore Sun, a suivi pendant un an les inspecteurs de la brigade criminelle de la ville. C'est un beau palais de justice, très impressionnant dans son classicisme. Les portes de bronze, les marbres italiens variés, les boiseries en séquoia et les plafonds dorés. Le tribunal Clarence M. Mitchell Jr. sur North Calvert Street est une grande œuvre architecturale. Une des structures les plus ouvragées et majestueuses qui ait jamais été édifiée à Baltimore. Si la justice se mesurait à la splendeur de sa demeure, les policiers n'auraient pas grand-chose à craindre. Si pierres taillées et bois sculptés pouvaient garantir une punition légitime, le tribunal Mitchell et son compagnon de l'autre côté de la rue, l'ancienne poste, aujourd'hui appelée tribunal de l'East Side, seraient des sanctuaires pour les représentants de la loi. Les pères fondateurs de la ville n'ont pas fait dans la demi-mesure lorsqu'ils ont créé ces deux bâtiments exquis en plein centre, et ces dernières années, leurs descendants ont été également généreux dans leurs efforts constants pour rénover et préserver la beauté des deux édifices. De la chambre d'accusation aux salles d'audience, des halls d'entrée aux couloirs les plus reculés, le complexe du tribunal est conçu pour que des générations de représentants du ministère public et d'avocats puissent sentir leur morale remonter en flèche en circulant dans l'antre de la justice. En avançant d'un pas léger sous le portique restauré de l'ancienne poste, ou en pénétrant l'élégance du palais lambrissé du juge Hammerman, un inspecteur a toutes les raisons d'avoir la tête haute, sachant qu'il arrive dans un lieu où la société peut réclamer son dû. Ici, la justice sera rendue. Tout le sale boulot exécuté dans les entrailles pourries de la ville sera sans aucun doute gracieusement transformé en un verdict propre et solennel de culpabilité. Un jury de 12 hommes et femmes respectueux et diligents va se lever de conserve pour rendre ce verdict, imposant à un être malfaisant la loi d'un peuple bon et vaillant. Comment se fait-il alors que n'importe quel inspecteur de Baltimore à notre époque entre dans le tribunal tête baissée, tirant sa plaque de sa poche avec un ennui fini pour les hommes du shérif qui gèrent le détecteur de métaux dans l'entrée au rez-de-chaussée? Comment ces inspecteurs peuvent-ils se diriger vers l'ascenseur d'un pas si lourd, inconscients de la beauté qui les entoure? Comment peuvent-ils écraser leur mégot dans la pierre avec une telle indifférence, puis frapper à la porte du bureau du procureur comme si c'était celle du purgatoire? Comment un inspecteur de la brigade criminelle peut-il amener ici, à sa destination finale, le meilleur de son travail avec un tel air de résignation? Eh bien, pour commencer, il a probablement passé la nuit à enquêter sur deux nouveaux meurtres, l'un par balle, l'autre à l'arme blanche, dans l'équipe minuit 8 heures. Sans doute, le même inspecteur, programmé pour témoigner dans la salle d'audience de Beauce cet après-midi, vient-il de terminer de rédiger les PV de la nuit à temps pour assister aux transmissions du matin. Sans doute a-t-il ensuite passé une heure à avaler 4 tasses de café noir et un egg McMuffin. À présent, tout porte à croire qu'il trimballe des pièces à conviction de la salle des scellés au cagibi d'un avocat quelconque au deuxième, où il sera informé que son meilleur témoin ne s'est pas encore présenté à la cour et ne répond pas aux appels de l'adjoint du shérif. Au-delà de ses soucis terre-à-terre, ce même inspecteur, s'il connaît son affaire, ne peut être habité par des visions transcendantes de victoire morale lorsqu'il arrive dans l'arène légale. Dans son fort intérieur, ce ne sont pas les exploits du tribunal qui l'inspirent, c'est la règle numéro 9 dans le manuel des homicides, à savoir 9A, pour un jury, n'importe quel doute est raisonnable. 9B, meilleur est le dossier, moins bon est le jury. Et en corollaire des règles 9A et 9B, 9C, il est difficile de trouver injuste, mais en trouver 12 rassemblés dans une même pièce relève du miracle. L'inspecteur qui s'aventure dans les couloirs de la justice sans un scepticisme ferme et bien ancré à l'égard de la procédure judiciaire en Amérique peut s'attendre à une cinglante déconvenue. C'est une chose, après tout, de voir une de vos meilleures enquêtes réduite en confetti par 12 excellents citoyens de Baltimore. C'en est une autre de voir ça avec une incrédulité naïve. Il vaut mieux laisser ses espérances à la porte du tribunal et entrer dans ces couloirs rutilants en anticipant pleinement et volontairement la débâcle à venir. Comme dans tous les autres aspects de la machine judiciaire, les questions raciales imprègnent le système des jurys à Baltimore. Étant donné que la vaste majorité des cas de violence urbaine se constituent de crimes perpétrés par des Noirs contre des Noirs, et étant donné que le réservoir de jurés possibles est noir à hauteur de 60 à 70%, les procureurs de Baltimore amènent presque toutes les affaires devant la cour avec la certitude que le crime sera considéré à travers le prisme de la suspicion historique qu'entretient la communauté noire à l'égard d'un service de police et d'un système pénal sous domination blanche. Cependant, il serait faux de suggérer que les jurys de Baltimore sont devenus plus cléments simplement parce que la proportion de Noirs y a augmenté. Le soupçon à l'égard du système judiciaire au sein de la communauté noire est un phénomène réel, mais des anciens du parquet pourront confirmer que certains des meilleurs jurys qu'ils ont rencontrés étaient 100% Noirs, tandis que certains des plus médiocres, des plus indifférents, étaient à majorité blanche. Plus que la couleur de la peau, ce qui a paralysé le système des jurys populaires à Baltimore, c'est un facteur qui transcende toute barrière raciale, la télévision. La plupart des citadins qui rentrent dans une salle de délibération n'ont pour toute connaissance sur les raffinements du crime et du châtiment que ce qu'on peut glaner sur un écran de 19 pouces. Plus que toute autre chose, c'est le tube cathodique, pas le procureur, pas l'avocat de la défense, certainement pas les preuves, qui donne aux jurés de Baltimore son état d'esprit. Or, la télévision remplit les jurys criminels d'attentes ridicules. Les jurés veulent voir le meurtre, le voir dérouler sous leurs yeux en vidéocassette, au ralenti, ou au grand minimum, voir le coupable tomber à genoux à la barre en implorant pitié. Qu'importe si les empreintes ne sont retrouvées que dans moins de 10% des affaires criminelles, le juré moyen veut des empreintes sur le revolver, des empreintes sur le couteau, des empreintes sur toutes les poignées de porte, sur les fenêtres et sur les clés de la maison. Qu'importe s'il est rare que la police scientifique trouve des preuves déterminantes, le juré veut voir des cheveux, des fibres, des empreintes de pas et toutes les bribes de science qu'il a glanées lors de rediffs d'Hawaï Police d'État. Et lorsqu'un dossier déborde de témoins et de preuves matérielles, alors les jurés exigent un mobile, une raison, une signification à un meurtre qui a été prouvé par ailleurs. Et dans les rares occasions où les jurés sont convaincus que c'est bien le bon client qui a été arrêté pour le meurtre en question, ils veulent être convaincus que l'accusé est vraiment un être malfaisant et que ça ne fait pas d'eux de vilains personnages de lui faire cette chose terrible. Dans la vraie vie, fournir la certitude absolue de la culpabilité d'un accusé, comme on le voit partout à la télévision, est impossible. Il n'est pas non plus facile de débarrasser un juré de telles attentes, même si les anciens du parquet ne manquent pas d'essayer. À Baltimore, les représentants du ministère public appellent régulièrement des experts en empreintes digitales à la barre pour témoigner dans des affaires où aucune preuve de ce type n'existe. Voulez-vous bien expliquer au jury à quelle fréquence on retrouve des empreintes sur une scène de crime et à quelle fréquence on n'en retrouve pas? Expliquer comment cela se fait que de nombreuses personnes, en fonction de la biochimie de leur corps au moment de l'incident, ne laissent pas d'empreintes détectables. Expliquer comment les empreintes peuvent être effacées ou souillées. Expliquer comment les conditions atmosphériques affectent les empreintes digitales. Expliquer à quel point il est rare de trouver des empreintes sur le manche d'un couteau ou la crosse d'un revolver. De même, lorsque les inspecteurs montent à la barre, c'est pour mener une bataille perdue d'avance contre les 6 derniers épisodes de la loi de Los Angeles et autres programmes télévisés dans lesquels des avocats plus beaux que ceux que nous avons au tribunal aujourd'hui, attention, parade systématiquement devant le jury avec des revolvers et des couteaux mis sous scellé avec l'étiquette « pièce à conviction 1A ». Un bon avocat de la défense peut faire monter la sauce pendant 10 bonnes minutes en fixant d'un regard furieux un inspecteur qui essaie d'expliquer que les armes ont la sale habitude de quitter la scène de crime avant l'arrivée de la police. Vous voulez dire que vous n'avez jamais retrouvé l'arme du crime ? Le jury est censé condamner mon client sans l'arme du crime ? Comment ça, elle pourrait être n'importe où ? Est-ce que vous essayez de nous dire que, après avoir commis un meurtre, le prévenu se serait en fait enfui en emportant le revolver, et qu'il l'aurait caché, ou qu'il l'aurait jeté du pont de Curtis Bay ? Dans Columbo, le revolver se trouve toujours dans l'armoire à liqueur, derrière le vermouth. Mais vous n'avez pas regardé derrière le vermouth du prévenu, n'est-ce pas, inspecteur ? Non, vous n'avez pas l'arme du crime. Votre honneur, je propose que nous ôtions les fers à ce pauvre enfant innocent et que nous le renvoyions à sa famille aimante. Aux yeux des procureurs et des inspecteurs de Baltimore, du moins, la télévision a complètement pulvérisé l'idée de jury pensant. Elle l'a étranglée à coups d'intrigues dans lesquelles toute ambiguïté est évacuée et toute question trouve réponse. Par conséquent, les individus chargés de punir l'acte de meurtre à Baltimore ne croient plus dans les clichés à la Norman Rockwell de 12 hommes en colère, en bras de chemise, qui débattent fiévreusement sur les preuves essentielles dans une chaleur suffocante. Dans la vraie vie, il s'agit plutôt de 12 abrutis qui se disent que l'accusé a l'air d'un jeune homme gentil et tranquille, puis se moquent du choix de cravate du proc. Les avocats de la défense ont vite fait de leur rétorquer qu'ils parlent ainsi par dépit, mais en vérité, le manque de confiance des procureurs et des inspecteurs à l'égard du système des jurys va plus loin que ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on devrait donner raison au ministère public dans toutes les affaires de meurtre. Le système ne fonctionne pas ainsi. Mais est-ce que quiconque croit vraiment que 45% des accusés de meurtre amenés devant un tribunal, dernière étape d'un long et sévère processus d'écrémage, sont en fait innocents ? Le juge Clifton Gordy déclare la séance ouverte et se lance dans son préambule, expliquant l'arène judiciaire aux jurés. Grand, calme, sérieux, Gordy a une sacrée allure à la tête du tribunal. Son langage est précis, son humour mordant, et ses façons semblent souvent dignes de celles d'un tyran, aux yeux des avocats du moins. Ceux qui omettent de se lever lorsqu'ils formulent une objection dans la salle d'audience du juge Gordy se voient en général ignorés. Gordy connaît la loi et il connaît les avocats. Le procureur Larry Doan a travaillé pour Gordy lorsque le juge dirigeait le parquet. Et il y a un autre élément chez le juge qui arrange Doan dans cette affaire. Cliff Gordy est noir. Et ça enlève un peu de poids au fait que 2 juifs blancs s'apprêtent à débattre de la liberté d'un homme noir. Ça aidera assurément les jurés noirs à croire que le système pénal les représente pour de bon. Tandis que Gordy finit son introduction et que Doan se lève pour entamer son discours inaugural, l'inspecteur Garvey, dans l'antichambre, s'escrime sur les mots croisés de l'édition du matin du Sun. « Pistolet mitrailleur anglais », fait Garvey. « En 4 lettres ?»« Sten », répond Dave Brown, assis à l'autre bout du banc. « Un pistolet anglais dans les mots croisés, c'est toujours Sten. »« T'as raison. » Brown et Garvey manquent l'accueil réservé par Doan au jury. Il avertit les 12 qu'il s'agit d'une affaire de meurtre. D'une affaire de meurtre effroyable, atroce, hideuse, qui implique le rapt volontaire d'une vie humaine. Cela accompli, Doan commence le long, laborieux processus visant à dépouiller les jurés de leurs idées préconçues. Nous ne sommes pas à la télévision. Contrairement à ce qu'on voit dans les séries télévisées, le mobile n'entre pas en ligne de compte dans le crime de meurtre avec circonstances aggravantes. Vous ne savez pas exactement pourquoi c'est arrivé. C'est quelque chose que vous voudriez savoir, c'est quelque chose que la personne qui dirige l'accusation aimerait savoir, mais il n'est pas nécessaire de le connaître pour prouver le crime. Puis, suivant un scénario standard, Dawn sort la métaphore du puzzle, utilisée par quasiment tous les procureurs d'Amérique pour gagner leur croûte. Vous voyez, dit Dawn, cette affaire est pareille à un puzzle. Et comme dans un puzzle qui traîne dans la maison depuis longtemps, il manque sans doute quelques pièces. Mais, mesdames et messieurs, malgré les pièces manquantes, lorsqu'on assemble ce puzzle, on peut toujours déterminer ce qu'il représente. Dans l'antichambre, ce n'est pas le même genre de puzzle qui contrarie Garvey. Lorsque les débats s'interrompent pour le déjeuner, il est plongé dans les mots croisés de l'Evening Sun, après avoir finalement triomphé de ceux de l'édition du matin. Lorsque l'huissier vient finalement chercher Garvey, il a quasiment terminé l'Evening Sun, même s'il a séché sur un fleuve français en 5 lettres. Abandonnant le journal sur le banc, Garvey se dirige vers la barre des témoins, vêtu de son costume à rayures bleu marine, le costume de gagnant qui lui donne la confiance nécessaire. La cravate BCBG, les lunettes. Mesdames et messieurs du jury, laissez-moi vous présenter le directeur du marketing de la police de Baltimore. Bonjour, dit Dawn d'une voix sonore. Depuis combien de temps appartenez-vous à la police de Baltimore ? Plus de 13 ans, répond Garvey, rajustant sa cravate. Sur ces 13 ans, combien de temps avez-vous passé à la brigade criminelle ? J'y travaille depuis 3 ans et demi. Et voulez-vous bien dire à ces messieurs-dames du jury de combien d'affaires de meurtre vous vous êtes occupé durant cette période ? J'ai eu personnellement la charge d'un peu plus de 50 enquêtes. Et, poursuit Dawn, je suppose que vous avez participé d'une manière ou d'une autre à d'autres affaires. Oui, beaucoup d'autres. Lentement, Dawn amène Garvey à reconstituer la scène de crime du 17 North Gilmore. Garvey décrit l'appartement, accordant une attention spéciale au dispositif de sécurité, dont l'alarme qui avait été éteinte. Il fournit une description détaillée de la scène, et le jury entend de nouveau parler de l'absence d'effraction, du tas de vêtements en corolle, des éraflures sur la tête de lit qui suggèrent que la victime a été poignardée tandis qu'elle était couchée dans son lit. Puis, à la demande de Dawn, Garvey se dirige vers le box du jury, où Dawn lui fait commenter les photos de la scène de crime déjà versées au dossier. Les photos elles-mêmes sont toujours la source de nombreux conflits au tribunal. Les avocats de la défense soutiennent que la représentation de la victime ensanglantée porte inutilement préjudice à l'accusé, tandis que les procureurs soutiennent que les photos ont une valeur probante pour le jury. Les procureurs l'emportent en général, comme Dawn dans ce cas. Par conséquent, Lena Lucas et ses blessures s'étalent dans toute leur splendeur sur papier glacé, depuis une variété d'angles, malgré les objections répétées de l'avocat Polanski. Les jurés semblent impressionnés. Garvey reste devant le box pendant 10 minutes avant de retourner à la barre des témoins, où Dawn lui fait récapituler la fouille de la scène de crime et les entretiens avec les voisins. « Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions pour l'inspecteur Garvey », déclare Dawn après 25 minutes de témoignage. « Cependant, je souhaite le rappeler plus tard. »« Accordé », fait Gordy. « Contre-interrogatoire, monsieur Polanski. » Pour les mêmes raisons, je vais limiter mon contre-interrogatoire aux questions déjà soulevées par monsieur Dawn. « Moi, ça me va », se dit Garvey, calme et maître de lui à la barre. « Si je n'ai à me soucier que des formalités de la scène de crime, raisonne-t-il, il n'y aura pas trop de controverses cet après-midi. » À la barre, la dernière règle pour un inspecteur de la criminelle, c'est qu'il n'y a rien de personnel. Rien entre l'inspecteur et l'accusé, rien entre l'inspecteur et les avocats. À la barre, le comportement a son importance. Un flic qui perd son sang-froid assez longtemps pour faire étalage de mépris ou d'animosité à l'égard de l'accusé ou de son avocat donne au jury l'image d'un système malveillant, d'une croisade plutôt que d'une accusation légitime. L'avocat de la défense vous traite de menteur, vous restez impassible et vous niez. Il déclare que votre enquête est nulle, vous niez aussi. Son client vous jette des regards mauvais et provocants, vous l'ignorez. Pour un ancien, il n'y a rien de terrible à tout ça. Après tout, si c'est une affaire d'homicide ordinaire, l'indifférence est sans doute authentique. Mais même lorsque l'affaire a de l'importance, un ancien ne fera rien pour laisser croire à l'accusé que ça compte pour lui ou que l'issue du procès a une importance quelconque. En un sens, par cette attitude, ils accordent encore moins de considération à l'accusé que s'ils exprimaient colère ou mépris. Au tribunal, le message de l'inspecteur au prévenu est clair et sans ambiguïté. Que tu gagnes ou que tu perdes, t'es toujours un minable qui vit en marge de la société. Si le jury te déclare coupable, tu vas passer quelques années à l'ombre. Si le jury ne fait pas son boulot, tu ne comptes toujours pas. D'ici 6 mois, tu seras de retour à la prison municipale pour un autre méfait, ou une de ces nuits, un gars de mon équipe va te liquider une fois pour toutes. Étrangement, il est rare que les accusés en fassent une affaire personnelle. Ils sont tirés de la chaleur étouffante des cellules du sous-sol pour être amenés dans la salle d'audience. Pieds et poings liés, ils regardent autour d'eux et croisent le regard de l'inspecteur. Le plus souvent, ils adressent un petit hochement de tête ou un autre petit geste de reconnaissance à l'opposition loyale. Au cours d'un long procès, quelques-uns vont jusqu'à aller serrer la main de l'inspecteur ou murmurer un merci absurde, sans raison apparente, comme si l'inspecteur leur faisait une fleur en venant au tribunal. Mais en de rares occasions, lorsqu'un accusé se montre turbulent, s'il roule des mécaniques dans la salle d'audience, lance des chapelets d'insultes et de menaces aux juges et aux procureurs, l'inspecteur franchira la frontière psychologique. C'est là seulement que le prévenu est reconnu réellement. C'est là seulement que l'inspecteur laisse transparaître que l'issue du procès lui importe, peut-être. Plus tôt cette année, Dave Brown était dans une salle d'audience pour attendre le verdict du jury sur 2 de ses accusés, des jeunes du West Side, âgés de 22 et 14 ans, accusés d'avoir assassiné et d'avoir piqué son fric à un vieux pasteur en pleine rue près d'University Hospital au printemps dernier. Brown a gardé le silence lorsque la présidente du jury a lu les 2 verdicts, meurtre avec circonstances aggravantes. Mais le plus vieux des prévenus a soudain perdu son calme. « T'es content maintenant, petite pute ?» a-t-il lancé à l'inspecteur avec un air mauvais. La salle est tombée dans le silence. « Oui ?» a tranquillement fait Brown. « Je suis ravi. » Dans un tribunal, c'est tout ce que se permettra un inspecteur. C'était Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Lu par Eric Erson-Macarel, avec la voix de Johanna Nizar. Musique originale, Emmanuel Bex et Simon Goubert. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared, traduit par Héloïse Esquier. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Marie Le Peintre et Dali Yaha. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Pascal Deux. Baltimore, une année au cœur du crime, est publié aux éditions Sonatine.